6. Un recours à la doctrine du secret d'État, de telle manière à ce qu'elle s'applique même des années après les faits, apparaît inacceptable dans une société démocratique fondée sur le principe de la prééminence du droit. Cela devient franchement choquant lorsque l'instance même qui s'en prévaut cherche à définir la notion et la portée du secret, afin de se soustraire ainsi à ses responsabilités. L'invocation du secret d'État ne devrait pas être autorisée lorsqu'elle sert à couvrir des violations des droits de l'homme, et son recours devrait, en tous les cas, être soumis à une procédure rigoureuse de contrôle. En ce sens aussi, le Canada semble indiquer la juste voie, comme nous verrons plus loin dans ce rapport. 7. Il subsiste aujourd'hui suffisamment d'éléments pour affirmer que des centres secrets de détention gérés par la CIA ont bien existé en Europe entre 2003 et 2005, notamment en Pologne et en Roumanie. Ces deux pays avaient déjà été nommés dans le contexte des détentions secrètes par Human Rights Watch au début du mois de novembre 2005. Le Washington Post, sur demande expresse du gouvernement américain, avait simplement indiqué génériquement des démocraties d'Europe orientale, tout en sachant de quel pays il s'agissait en réalité. Rappelons d'autre part que la chaîne américaine ABC avait également indiqué la Pologne et la Roumanie dans une information sur son site web. Mais l'indication des pays a été très rapidement effacée dans les circonstances que nous avons indiquées dans notre précédent rapport. Par nos propres sources, provenant aussi bien des services de renseignement américains que des pays concernés, nous avons eu la confirmation, claire et détaillée, que ces deux pays ont bien abrité des centres secrets de détention dans le cadre d'un programme spécial de la CIA, mis au point par l'administration américaine au lendemain du 11 septembre 2001 pour tuer, capturer ou mettre en détention des personnes soupçonnées de terrorisme considérées de grande importance. Nos conclusions sont par ailleurs corroborées par des données de mouvements aériens que la Pologne, notamment, prétendait ignorer et que nous sommes à même de prouver grâce à différentes sources documentaires. 8. Ces centres de détention secrète en Europe ont été directement et exclusivement gérés par la CIA. Le personnel local n'a eu, à notre connaissance, aucun contact important avec les prisonniers, mais avait des fonctions logistiques, comme par exemple celle d'assurer la sécurité du périmètre externe. Les autorités locales n'étaient pas censées avoir connaissance du nombre exact ni de l'identité des détenus qui ont transité par ces centres. C'était le genre d'information qu'elles n'avaient pas besoin de savoir. S'il est vraisemblable que très peu de personnes dans les pays concernés, y compris au sein même du gouvernement, aient eu connaissance de l'existence de pareilles structures, nous avons suffisamment de motifs pour affirmer que les plus hautes autorités de l'État étaient au courant des activités illégales de la CIA sur leur territoire. 9. Nous ne sommes pas une autorité d'enquête. Nous n'en avons ni les pouvoirs, ni les moyens. Il ne s'agit donc pas de prononcer des jugements, encore moins des condamnations. Notre mandat est cependant clair. Vérifier, dans la mesure du possible, des allégations faisant état de graves violations des droits de l'homme commises sur le territoire des États membres du Conseil de l'Europe et qui, partant, constitue une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous estimons avoir démontré que la CIA a commis toute une série d'actes illégaux en Europe en enlevant des personnes, en les maintenant en détention en des lieux secrets et en les soumettant à des techniques d'interrogatoire qui correspondent à des formes inadmissibles de torture. 10. Dans la plupart des cas, ces actions ont eu lieu avec les autorisations requises, les permissions ou la collaboration active de services étatiques. Nous estimons que le cadre de ces collaborations a été développé autour d'autorisations de l'OTAN du 4 octobre 2001, certaines d'entre elles étant publiques, alors que d'autres restent secrètes. Selon plusieurs sources concordantes, Ces autorisations ont servi de plateforme pour des accords bilatéraux, eux aussi, bien entendu, secrets. 11. Nous sommes de l'avis que les pays impliqués dans ces programmes n'ont pas fait leur devoir de vérité. Les éléments qui démontrent l'existence de violations des droits fondamentaux de l'homme sont concrets, sérieux et concordants. Certainement, en tout cas, de nature à imposer que les autorités intéressées ordonnent finalement une véritable enquête indépendante et approfondie, et qu'elles ne fassent plus obstacle aux efforts en cours des instances judiciaires et parlementaires pour rechercher la vérité. Les instances internationales, notamment le Conseil de l'Europe, l'Union européenne et l'OTAN, sont appelées à s'interroger sérieusement sur la façon d'éviter à l'avenir de pareilles dérives et d'assurer le respect des engagements formels et impératifs que les États ont souscrits en matière de protection des droits et de la dignité de l'homme. 12. En l'absence de pouvoir d'enquête et des moyens nécessaires, nos recherches n'ont pu dès lors se fonder que sur un usage perspicace des éléments existants, par exemple l'analyse de milliers de données concernant le trafic aérien international, et sur un réseau de sources établi dans de nombreux pays. En fait, avec des ressources très modestes, nous avons dû procéder à un véritable travail d'intelligence. Il a été possible d'entrer en relation avec des personnes ayant eu ou ayant toujours des fonctions auprès des autorités pertinentes, notamment des services de renseignement. Nous ne nous sommes jamais fondés sur une seule déclaration, mais nous avons utilisé seulement des informations qui étaient confirmées par d'autres sources totalement indépendantes. Dans la mesure du possible, nous avons procédé à des vérifications croisées de nos informations, soit dans le pays européen intéressé, soit de l'autre côté de l'Atlantique, ou sur la base de documents ou de données objectives. Il est évident que nos sources individuelles n'étaient disposées à nous parler qu'à la condition que nous leur garantissions l'anonymat le plus complet. Dès le début de nos recherches, nous avions obtenu de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme l'autorisation de pouvoir assurer à nos interlocuteurs, si cela était exigé, la plus stricte confidentialité. Cette disponibilité à assurer un régime de confidentialité à d'éventuels whistleblowers, donneurs d'alerte, a été également communiquée à M. Franco Frattini, vice-président de la Commission européenne et chargé du domaine relevant de la liberté, sécurité et justice, pour qu'il puisse aussi en informer les ministres compétents des pays de l'Union européenne. Les garanties de confidentialité ont indiscutablement créé un climat de confiance et ont favorisé la disponibilité de nombreuses sources à accepter de parler avec nous. Ces personnes ne sont aujourd'hui pas prêtes à témoigner publiquement, mais certaines d'entre elles pourraient l'être dans le futur si les circonstances devaient changer. 13. Les autorités polonaises nous ont récemment critiqués pour ne pas avoir été dans leur pays pour visiter l'installation soupçonnée d'avoir abrité un centre de détention. En fait, nous ne voyons aucune utilité de nous rendre sur place. Nous ne sommes pas des spécialistes de police scientifique et nous faisons pleine confiance à ceux qui auraient éliminé les traces éventuelles du séjour des prisonniers. D'autre part, une rencontre sur place n'aurait eu de sens que si les autorités polonaises avaient tout d'abord répondu aux questions que nous leur avons posées à de nombreuses reprises et pour lesquelles nous attendons toujours les réponses. 14. Nous sommes pleinement conscients de la gravité de la menace terroriste et du danger que cela représente pour nos sociétés. Nous sommes toutefois convaincus qu'en ce domaine aussi, la fin ne justifie pas les moyens. Le recours systématique à des actes illégaux, la violation massive des droits fondamentaux de la personne et le mépris des règles de l'État fondées sur la prééminence du droit ne peuvent être justifiés par la lutte contre le terrorisme. Non seulement parce que de tels moyens sont contraires à l'ordre constitutionnel de tout pays civilisé et sont éthiquement inadmissibles, mais aussi parce qu'ils ne sont pas efficaces dans l'optique d'une véritable réponse durable au phénomène du terrorisme.